Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 3 février 2025 et voyons tout de suite ce que les astres vous réservent. Bélier, dès mardi, Jupiter renforce votre morale même si Mars et Saturne continuent de poser quelques petits pièges devant vous. Alors surtout, gardez le bon cap. Côté relations, Vénus en Bélier vous met en valeur et vous rend même irrésistible. Votre passion pour la conquête accentue votre charme. Osez exprimer vos émotions cette semaine. Maintenant, Taureau, la rétrogradation de Jupiter se termine et pourrait booster vos finances mardi et mercredi. Alors restez ouverts aux nouvelles opportunités. Côté relations, Vénus boude. Vous êtes moins attentif à votre couple et même moins attentif à votre famille. N'hésitez pas à planifier une activité, par exemple en famille, pour resserrer les liens. Il y en aura besoin cette semaine. Gémeaux, entre mardi et mercredi, Jupiter direct vous stimule. Alors vous avez vraiment envie de progresser. Canalisez votre détermination vers des actions constructives, c'est mon petit conseil. Côté relations, des mardis Jupiter et Vénus vous amènent de bonnes nouvelles et encensent vos succès, alors restez ouverte à toute opportunité. Cancer, Mars et Jupiter vous montrent vos limites, vous n'êtes pas toujours gagnant malgré votre bonne volonté. Restez flexible et apprenez de vos expériences. Côté relations, Vénus vous fuit, vous mettez vos sentiments entre parenthèses, prenez du temps pour vous reconnecter avec vos émotions. Lion, dès mardi, Jupiter direct est synonyme pour vous de soutien et de réussite. Voilà, ça c'est votre semaine. Alors acceptez les travaux d'équipe. L'ambiance sera motivante et côté relations, Vénus en Bélier emballe votre cœur. Mais voilà, il y a un petit bémol, Mars vous conseille de ne pas brûler les étapes cette semaine. Misez sur de petites attentions par exemple pour séduire. Petite attention pour un effet maxi. Voilà. Vierge, dès mardi, Jupiter relance un projet professionnel. Un espoir revient donc. Alors, relancez les décideurs et démarchez de nouveau. C'est le moment pour faire cela. Côté relations en famille, vous devez jongler entre les responsabilités et le besoin de vous évader. Accordez-vous des moments de douceur et d'introspection pour mieux avancer. Balance. Un partenariat peut dynamiser votre domaine professionnel. Osez explorer les possibilités de nouveaux contrats. Côté relations, dès mardi, Jupiter reprend son élan et Vénus entre en Bélier, apportant une effervescence à vos amours. Profitez de cette période, par exemple, pour lui déclarer, voire redéclarer votre flamme. Scorpion, eh bien cessez de vous prendre la tête, enfin. Grâce à Jupiter, votre morale est au top. Alors restez serein malgré les imprévus. Côté relations, ne comptez pas trop sur les marques de reconnaissance de la part de votre entourage. C'est ainsi cette semaine. Mais montrez votre bienveillance en soutenant vos proches avec votre générosité. Sagittaire, dès mardi, Jupiter direct et un amas planétaire en Verseau favorisent les signatures de contrats et les arrangements financiers. N'hésitez pas à consulter des experts si vous avez quelques petits projets de cet ordre. Côté relations, Vénus et Jupiter travaillent pour vous. N'oubliez pas de communiquer ouvertement et cultiver des rapports sincères, toujours. Capricorne, eh bien, Jupiter vous tend une perche dès mardi. Entre chance et succès, vous pouvez prouver ce que vous avez dans le ventre. Alors surtout, démenez-vous. Côté relations, en couple, c'est le grand 8 émotionnel. Votre moitié essaie de ne pas perdre son déjeuner. Alors, on va essayer de garder ça. Offrez un câlin familial pour le réconfort. Passons à présent à nos amis les Verseaux. Alors tout d'abord, un très joyeux anniversaire si vous le célébrez cette semaine. Et pour les autres, encore un petit peu de patience. Alors, avec 3 planètes cette semaine dans votre signe, le Soleil, Mercure et Pluton, vous cassez la baraque. Profitez donc de cette énergie cosmique et lancez-vous dans des projets audacieux. Côté relations, Vénus de feu allume vos amours dès mardi. Vive les câlins en duo et en solo, eh bien, ouvrez grand vos yeux et votre cœur, oui. Maintenant, terminons par nos amis les poissons. Entre mardi et mercredi, eh bien, Jupiter vous soulage. Sympa, Jupiter. Vous vous inquiétez moins et profitez-en donc pour faire le tour de vos projets et puis ce que vous avez envie peut-être de démarrer. Ça va bientôt être le moment de vous lancer dans vos nouveaux projets. Voilà. Et côté relations, bon, là, c'est un petit peu moyen. Prenez du recul et réfléchissez. Voilà, vos émotions, prenez le temps d'écouter votre partenaire, c'est toujours mieux la communication. Et surtout, exprimez vos besoins, si vous en avez besoin et désir, c'est bien, voilà, quand on les exprime. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à nous raconter comment se passe votre semaine, comment les astres influencent votre vie, votre quotidien, à nous laisser vos petits commentaires, ça nous fera bien plaisir de vous lire. Et puis, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour, je l'espère, de très joyeuses prévisions. Je vous embrasse. Ciao.